L'essayiste par Maurice Level. Si monsieur veut donner son nom et sa profession, demanda le portier. Le voyageur dévissa son stylographe et traça d'une main ferme René Lelumet, essayiste. Après quoi, content de ce titre qui satisfaisait à la fois ses ambitions littéraires et le besoin de dilettantisme qu'il apportait en toute chose, il sortit et s'engagea dans la Wilhelmstrasse, la rue la plus élégante de Wiesbaden. Lelumet était un artiste dans le sens le plus large du mot. Le spectacle de la nature, la vue d'une œuvre d'art, l'étude d'un problème psychologique lui paraissaient seuls dignes de retenir son esprit. Il ne prêtait guère plus d'importance aux choses de l'argent qu'un anachorète n'en attache au brouet qui refroidit dans son écuelle. En rentrant à l'heure du déjeuner, il remuait et classait déjà dans sa tête 1000 sensations. Quand le portier s'approcha respectueusement de lui, « Que monsieur m'excuse, mais monsieur est sans doute venu ici pour affaires comme tout le monde. Et un voyageur de Francfort, monsieur Potts, qui est notre client, m'a demandé si je ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait lui vendre 500 imperméables en gabardine. Monsieur qui est essayiste a peut-être cela ?»« J'y penserai, » répondit Lelumet, entrevoyant une mystification à échafauder. Et avisant un négociant avec lequel il avait voyagé la nuit précédente, il lui conta l'aventure. « Ne riez pas !» protesta le négociant. « La chose n'est point si sotte qu'il n'y paraît. Et le hasard fait bien les choses. Je possède l'objet. 500 imperméables à 400 francs l'un dans l'autre font 200 000 francs. 10% de commission pour vous, ça vaut la peine. Voyez votre homme. »« Vous plaisantez, » murmura Lelumet. « Moi, faire une affaire, je ne saurais jamais. Allons donc !» Vous n'avez qu'à dire à l'acheteur, j'ai les imperméables, votre rôle s'arrête là, je me charge du reste. 5 minutes plus tard, le marché était conclu. Quand Lelumet eut son courtage entre les doigts, il demeura tremblant, et la somme lui sembla tellement énorme qu'il hésita sur le point de savoir s'il l'avait acquise loyalement. Mais la possession crée vite l'habitude, et le lendemain, pour se conformer aux usages, il tendit noblement 1000 marques au portier. « Ah, monsieur !» s'extasia l'homme galonné après l'avoir remercié avec effusion. « Je vois bien que monsieur est un grand homme d'affaires. Monsieur Potts me l'avait dit d'ailleurs, et si monsieur voulait ?»« J'ai un autre voyageur qui cherche des conserves. J'en réfléchirai, » répondit Lelumet. « Oh !» s'écria son associé de la veille, à qui il rapporta la demande. « Voici qui devient intéressant. Je n'ai pas les conserves, mais je connais quelqu'un qui... » « Attendez-moi donc 5 minutes. » Toujours même condition, 10%. Cette fois, par à deux, puisque je suis courtier à mon tour. Les conserves vendues le soir même, Lelumet se trouva, à l'heure du dîner, à la tête de nouveaux billets de 1000 marques. Toute la soirée, attablé avec des mercantis, il écouta parler de hausse, de baisse, de lettres de voiture, de droits de douane. Son incompréhension des termes l'obligeait au silence, mais, jugeant ce silence plein de prudence et de méditation, les gens commençaient à penser. Fort le bougre. De retour dans sa chambre, il essaya d'écrire. Mais l'inspiration tardant à venir, comparant l'effort intellectuel que représentait la rédaction de quelques lignes pauvrement rétribuées à la facilité avec laquelle, d'un mot, il pouvait empocher des milliers de marques, il rejeta son papier. Par un étrange enchaînement des circonstances, le jour venu, il se trouva qu'un nouveau voyageur lui adressa des propositions nouvelles. Lelumet avait pris l'habitude de ces sortes de marchés. Une fois de plus, la transaction aboutit. L'ignorance du négoce prêtait à Lelumet une impassibilité parfaite. Les Allemands qui le croisaient dans les corridors le saluaient avec respect, et les Français murmuraient avec un peu de dédain, mais aussi un peu d'envie. « C'est un gros mercanti !» Alors, brusquement, le démon de l'agio, qui n'avait fait jusqu'alors que voleter autour de lui, se posa sur son crâne. De voir les transactions si nombreuses, il conclut qu'elles étaient faciles, ou tout au moins qu'il avait le don du commerce. « Au fond, raisonna-t-il, je suis un sot. Pourquoi me cantonner dans le rôle effacé de courtier quand je peux être marchand moi-même » Sur le champ, il se rendit à la gare, acheta un chargement de viande frigorifiée et attendit les événements. Ils ne tardèrent pas à se précipiter. Un mercantier de Hambourg lui adressa une offre. Il supputa les bénéfices et conclut le marché. Jamais affaire ne s'était présentée plus lucrative et plus simple. Il suffisait de poser la marchandise à quai et de la transporter à 3 kilomètres de là. Mais aussitôt des difficultés surgirent. Une grève de coltineurs arrêta le déchargement. Elle dura 5 jours, pendant lesquels une partie de la viande s'avaria. Le Lumet supporta cet incident sans émoi. Il se trouva pourtant le travail repris, que le déchet était assez gros. « Bon, se dit-il, rien ne s'acquiert sans risque. » Puis les camions privés d'essence ne purent arriver en temps voulu. La chaleur exerça sur la viande de fâcheux ravages. Le Lumet fronça les sourcils. Ensuite, il dut, les voitures manquant toujours de carburant, entreposer la marchandise. Enfin, le jour de la livraison arriva et le chargement tout entier fut refusé. Comme il avait engagé tous ses capitaux sur le coup, il se trouva aussi pauvre que le premier jour. « Pouah ! » s'écria-t-il, « j'ai perdu cette bataille, j'en gagnerai bientôt une autre. » Mais l'hôtel se vidait. 2 jours, 3 jours, il espéra que le concierge lui proposerait quelque affaire. Le concierge ne quittait plus sa loge. On lui remit sa note. Le total l'en effraya. C'était une note de mercantil, mais non plus celle qui convenait à un artiste, et l'éloquence des chiffres le ramena à cette pensée que la vérité n'était point dans les millions, mais dans les conceptions hautaines de l'esprit. Le ciel était clair, les arbres frissonnants, le soleil doux. Les fleurs accrochées au balcon, l'agitation de la foule et la tache bleue des uniformes français, si gai à voir et si réconfortante en pays vaincu, versaient le lyrisme dans son âme. Quel cadre pour créer, pour écrire, foin du négoce et des préoccupations terre à terre. La page blanche rayée d'une ligne s'étalait devant lui. Il la relut, prit son stylographe, le secoua. L'encre vint, mais les mots ne suivirent pas. Il médita ainsi pendant des heures, pétrissant son front, mâchant sa cigarette. Le jour déclina, l'ombre du soir se répandit. À une ligne près, sa feuille restait vierge. Alors il la froissa, compta l'argent qui lui restait, et calculant que grâce au change ses frais payés, il resterait encore de quoi prendre pour revenir un billet de 3e classe, il conclut. Décidément, vilain métier que celui qui consiste à exploiter la nécessité, fût-ce d'un ennemi. Et il s'endormit le cœur léger. C'était L'essayiste par Maurice Levelle.